Le rassemblement consacré au 70e anniversaire de la fondation de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée s'est déroulé le 19 courant à la Maison de la Culture Cholima à Pyongyang. Y ont pris part les membres du comité central de la société, les cadres de la Croix-Rouge de la capitale et des provinces, les volontaires, les jeunes membres de la Société de la Croix-Rouge et les travailleurs de la ville de Pyongyang. Y ont été invités les délégués du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des sociétés de la Croix-Rouge de Danemark, de Finlande et de Grande-Bretagne, les représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales en Corée, les membres des délégations du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Corée. Il y a eu des allocutions. On y a présenté les cadres, les bénévoles et les jeunes membres exemplaires dans le travail de la Croix-Rouge. Les participants ont vu les photos et livres présentant l'histoire et les activités glorieuses de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée et le vidéo Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée 1946-2016. Ensuite, ils ont assisté au spectacle consacré au 70e anniversaire de la fondation de la société des jeunes membres de la Société de la Croix-Rouge et des élèves de l'école pour aveugles de Tétan. Par ailleurs, le même jour, le comité central de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée a offert un banquet consacré à l'anniversaire de sa fondation.